Les cours sont publics et nous ne décernons aucun diplôme. Nous sommes un lieu d'enseignement de haut niveau dans les disciplines les plus variées. Des cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Dès les fonds baptismaux sur lesquels il a été créé, le Collège de France a donc été un lieu de libre pensée. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce que reprendre des objets d'art qui ont été transformés en trophées de guerre? Quel est le rapport entre les arts et les armes? S'interroge l'historienne Bénédicte Savoie. Comment les médailles de l'épopée napoléonienne accompagnent-elles par l'image les discours et participent-elles de la propagande politique et culturelle? Bénédicte Savoie, titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe 18e-20e siècle au Collège de France et professeur à la Technische Universität de Berlin, nous entraîne dans une grande enquête autour du moment 1815, quand après Waterloo, le musée Napoléon, futur musée du Louvre, a dû restituer les chefs-d'œuvre qu'il avait conquis. Bénédicte Savoie s'attache aux discours, aux textes, aux pétitions, tout ce qui exprime les polyphonies européennes sur la question des prises, des translocations ou du retour des objets d'art dans sa série intitulée 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Qu'est-ce que reprendre, s'interroge aujourd'hui Bénédicte Savoie. En introduction de sa grande série, l'historienne a expliqué dans le cours précédent, et je la cite, « J'ai volontairement utilisé ce terme de reprendre, puisqu'habituellement on parle de restitution. Il s'agit d'analyser comment on peut reprendre, pourquoi on reprend, qui reprend et dans quelles conditions. Est-ce qu'il y a une histoire du rendre qui ne soit pas une histoire de violence ?» demandait-elle encore. Est-ce qu'on peut rendre en douceur? Et est-ce qu'on peut reprendre en douceur? Comment ça marche? Bénédicte Savoie nous installe aujourd'hui au moment où le grand démembrement du musée Napoléon, donc le futur Louvre, va être organisé. Nous trouvons ce musée à son apogée quand Dominique Vivant-Denon, le père du futur musée du Louvre, a lié l'arrivée de la Vénus Médicis à la transformation de l'institution révolutionnaire en musée trophée sous Napoléon en 1803. C'est donc bien le rapport entre les armes et les arts qu'explore Bénédicte Savoie. Alors que de toute l'Europe, on réclame les œuvres ravies par les troupes napoléoniennes, quelle a été l'hésitation patrimoniale des puissances victorieuses de Napoléon en 1814? Comment dans ce contexte, le célèbre quadrige de la Porte de Brandebourg, qui avait été pris par les Français en 1806, a-t-il secrètement quitté Paris en 1814 pour gagner Berlin dans une joie effervescente? Comment le sculpteur italien Antonio Canova a-t-il été envoyé par le pape en 1815 à Paris pour récupérer les pièces les plus prestigieuses des collections pontificales? Nous gagnons le Collège de France le 1er mars 2019 pour le cours de Bénédicte Savoie. Aujourd'hui, qu'est-ce que reprendre? Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à la seconde séance de ce cours qui sera consacrée aujourd'hui à la question du reprendre, et non pas du restituer, du rendre, mais de la manière dont on reprend des œuvres après un conflit armé en 1815. Nous avions dit lors de l'introduction la dernière fois donc qu'il s'agissait d'un événement européen avec une polyphonie européenne, des prises de parole de tous les intellectuels d'Europe à l'époque et qu'il fallait prendre garde ou essayer de s'exercer soi-même quand on est historienne ou historien à une multipolarité, multiperspectivité, c'est-à-dire d'essayer de prendre en compte pour raconter cette histoire-là tous les points de vue pour écrire une histoire en 3D ou au moins en multi-D de ces restitutions de 1815, vu non seulement du point de vue français, donc du pays qui va perdre les objets, mais du point de vue des autres qui vont les reprendre. Et c'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui encore. Vous voyez déjà au titre des travaux qui sont consacrés à ces questions récemment qu'il n'est pas question de restitution, mais bien ici, par exemple, dans cet ouvrage récent sur le retour des œuvres d'art à Florence en 1815, il est question du retour de Vénus et de réflexion sur la récupération toscane des œuvres saisies ou transportées par Napoléon. Donc on est dans l'autre logique, de la logique inverse. On reprend, on récupère, l'œuvre revient, ou encore dans cette autre publication d'une correspondance importante de Canova, publication récente également, il est question des œuvres d'art prises en Italie et puis les riprese, des reprises par Canova. Donc c'est dans cette perspective qu'on va essayer de travailler, celle de ceux qui reprennent et pourquoi ils reprennent et comment ils reprennent. D'où le titre de notre séance, « Reprendre ». Une séance qui va servir aussi pour la suite des séances à placer pour nous, pour tout le monde, pour qu'on soit tous au même degré de connaissance, la chronologie des événements et puis le nom des principaux acteurs qui parfois, pour certains, sont peut-être éloignés ou inconnus. Donc c'est une séance un petit peu descriptive, vous allez voir, on parle de qu'est-ce qui s'est passé, quand, qui et comment, et on rentrera vraiment dans les discours et dans les questions juridiques dans les deux séances qui suivent. Reprendre en trois chapitres, les arts et les armes, premièrement. Deuxièmement, ce que j'appelle une hésitation patrimoniale, où on verra comment, quand les alliés rentrent dans Paris, ils hésitent à reprendre les œuvres qui leur avaient été confisquées dans les années précédentes. Et puis, troisièmement, reprise manu militari. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va toujours commencer toutes les séances, là, jusqu'à la fin de notre cours, par un objet qui va nous accompagner pendant la séance à chaque fois, l'objet du jour que je voudrais vous présenter ici, que vous avez déjà vu, et qui est cette médaille de bronze, frappé en 1815 par les Anglais et qui représente d'un côté la colonnade du Louvre que vous reconnaissez bien, la colonnade de Claude Perrault, et de l'autre côté le profil du duc de Wellington, Arthur duc de Wellington, homme d'État britannique qui est surtout connu pour être le vainqueur de Napoléon à Waterloo et qui en 1815 était ambassadeur en France et qui a été aussi plénipotentiaire au congrès de Vienne. Qui se passe à ce moment-là, on va y revenir dans un instant. Cette médaille mesure 4 cm de diamètre. Ici, elle paraît immense, mais c'est une petite médaille. Elle pèse 41 grammes et elle fait partie de cette tradition des années 1800 qui a bien sûr commencé dès l'Antiquité et qui se poursuit ensuite, mais qui, dans les années 1800, joue un rôle très important pour la propagande politique, pour la propagande même culturelle. Ces médailles qui sont collectionnées beaucoup par tous les collectionneurs d'Europe et qui sont extrêmement diffusées. Je vous montre ici la liste de la collection de Goethe, qui avait une très grande collection de médailles, juste pour vous donner une idée de la diffusion de ce genre de pièces et de l'effet qu'elles peuvent produire donc dans toute l'Europe. Et si on regarde l'inventaire des médailles de Goethe à cette époque-là, en effet, il possède cette médaille dans sa collection. Et à l'époque, peut-être que vous le savez, ou sans doute que vous le savez, c'est évidemment la France, avec Dominique Vivant-Denon comme directeur des arts, qui s'occupe d'accompagner la propagande impériale, la propagande de Napoléon, par ce type de médaille. Vous voyez ici une liste d'achats, en fait, un catalogue d'achats. On peut acheter la collection complète pour à peu près 500 francs à l'époque. Donc la liste des modèles des médailles, collection des médailles en bronze, des campagnes et du règne de l'empereur Napoléon, et on voit qu'elle commence cette liste en 1796, bataille de Montenot, bataille du Millésimo, bataille de Castiglione, etc., et on continue. Et il s'agit de médailles, comme vous le voyez ici, qui existent donc en un exemplaire, mais qui sont diffusées et qui mesurent toutes à peu près 3 à 4 à 6 cm de diamètre. Et ce genre de médailles était collectionné dans des médaillés, dans des boîtes qu'on avait. On peut imaginer que Goethe, par exemple, avait une boîte comme ça avec la collection quasi complète des médailles de l'Empire et d'autres médailles. Ici, vous voyez une boîte qui sert à conserver les médailles frappées sous l'Empire napoléonien. Ces médailles vont nous accompagner un petit peu pendant toute la séance aujourd'hui. Et l'objectif pour moi, c'est d'essayer de traduire en objet des choses qui sinon seraient surtout dans des textes, qui seraient un peu fastidieux pour nous tous. Donc on prend le même discours en quelque sorte et on essaye de le saisir dans des objets. C'est le challenge visuel pour moi, pour la préparation de ces cours, d'essayer de traduire des discours en images. Premier chapitre, les arts et les armes. Alors si on revient sur notre objet du jour, sur notre médaille, on a bien sûr d'un côté le Louvre et de l'autre côté le vainqueur de Waterloo, le vainqueur de Napoléon, ou bien celui qui contraint dans la coalition, qui contribue au départ de Napoléon en 1815, après Waterloo. Et ceci, avec cette inscription selon laquelle l'armée anglaise est entrée à Paris le 7 juillet 1815, ceci est associé directement au temple de l'art de ces années 1800, un endroit où sont réunies les collections européennes saisies par le passé. Alors, cette médaille est extrêmement intéressante pour nous, pour toutes sortes de raisons, à cause de l'union entre un militaire ou un général vainqueur, un diplomate et le musée, mais aussi parce qu'elle nous livre les informations dont nous avons besoin pour nous placer, pour nous positionner dans la chronologie. Le 7 juillet 1815, c'est le moment où, après les 100 jours, donc après le retour de Napoléon qui revient après avoir été chassé une fois sur la scène européenne. Ce 7 juillet 1815 marque la seconde entrée des puissances coalisées contre Napoléon en France et dans Paris. La première entrée avait eu lieu le 31 mars 1814 dans la foulée de la bataille de Leipzig et de l'avancée des troupes coalisées. Finalement, le 31 mars 1814, les troupes étaient entrées une première fois dans Paris, ce qui avait, pour les histoires qui nous occupent, mené à une première phase de restitution ou de négociation, en tout cas celle que j'appelle l'hésitation patrimoniale. Donc la première fois que les puissances coalisées arrivent à Paris, elles tentent quelque chose, elles tentent de récupérer, puis interviennent les 100 jours, et c'est seulement lors de la deuxième entrée dans Paris de ces puissances coalisées que les alliés vont décider de reprendre leur patrimoine manu militari. Voilà où on est, donc on est avant les 100 jours et après les 100 jours, ce qui a fait dire à certains, par exemple Pierre Rosenberg, le directeur général du Louvre pendant des années, qu'il déteste Napoléon parce que si Napoléon n'était pas revenu, on aurait gardé le Louvre. Vous allez voir comment ça fonctionne. Pierre Rosenberg n'est pas le seul à penser comme ça. Et c'est ici que se situe le congrès de Vienne entre septembre 1814 et juin 1815. Le congrès de Vienne donnant un cadre juridique général à la réorganisation de l'Europe, mais dans lequel on y reviendra dans la séance juridique que nous aurons dans deux semaines, qui ne parle pas des œuvres d'art concrètement. Alors, ce qui va se passer en 1814-1815 est la conséquence de ce qui s'est produit entre 1794 et 1814, dont il a déjà été question dans notre cours précédent, l'année dernière, vous vous souvenez, la concentration à Paris du patrimoine européen. Je vous invite à aller revoir le cours de l'année dernière. Je ne vais pas revenir dans les détails de cette appropriation massive, rapide et spectaculaire du patrimoine européen à Paris. Je voudrais juste revenir sur une des modalités du discours qui avait accompagné à l'époque cette translocation, cette concentration à Paris. Elle nous est livrée par l'abbé Grégoire, Henri Grégoire, qui a été un des grands théoriciens du patrimoine après la Révolution française, qui en 1794, quand pour la première fois les troupes françaises vont dépasser les frontières de la France et aller, avec beaucoup de guillemets, libérer les autres peuples du joug des despotes, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, l'abbé Grégoire écrit plusieurs rapports, plusieurs textes, notamment extrêmement important, un texte d'anthologie centrale, le rapport sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le réprimer, rapport formulé en l'an 2, dans lequel il théorise les saisies d'œuvres d'art à l'étranger. Vous allez voir comment. C'est seulement une partie du discours. L'autre partie du discours, c'est celle de la France universelle qui ouvre ses portes aux arts du monde entier, qui libère les arts. On y reviendra dans la séance suivante. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le rapport entre les arts et les armes. C'est pourquoi je vous montre cet extrait du rapport sur le vandalisme d'Henri Grégoire. « Plus que les Romains, plus que Démétrius Poliorcerte, nous avons le droit de dire qu'en combattant les tyrans, nous protégeons les arts. Nous en recueillons les monuments, même dans les contrées où pénètrent nos armées victorieuses. » C'est une rhétorique un peu perverse. On recueille les arts même où nos armées entrent. En réalité, c'est que la Révolution française avait créé des institutions, le Louvre, le Musée central des arts et la Bibliothèque nationale, qui étaient un peu vides ou un peu incomplets, et que donc l'avancée des armées à l'extérieur permet de compléter les collections. 22 caisses de livres et 5 voitures d'objets scientifiques sont arrivées de la Belgique. 1794, c'est le moment où c'est la Belgique en premier qui sert de laboratoire pour ses saisies d'œuvres d'art. La République acquiert, par son courage, ce qu'avec des sommes immenses, Louis XIV ne put jamais obtenir. Crayeur, Van Dyck et Rubens sont en route pour Paris et l'école flamande se lève en masse pour venir orner nos musées. On est bien dans le vocabulaire militaire. L'école flamande, l'école de peinture flamande, se lève en masse comme une armée pour venir de sa propre volonté orner les musées de la France. Ici, on est en plein dans donc ce discours sur le lien entre l'expansion militaire, la conquête militaire et la conquête artistique. Et si on regarde d'ailleurs, si on suit un petit peu notre objet phare de la journée, si on revient sur la liste des modèles et médailles qui accompagnent l'illustration de l'épopée napoléonienne, on voit qu'en effet, par exemple en 1803, sont frappées deux médailles, la Vénus de Médicis et le musée Napoléon avec la salle de l'Apollon et la salle du Laocoon, deux médailles qui ne sont pas en rapport direct, pourrait-on penser initialement, à des médailles qui ont par exemple comme objet la conquête du Hanovre ou des négociations avec l'Angleterre. Les arts et les armes, l'épopée napoléonienne et sa propagande par l'image, par les médailles, par le discours sont extrêmement liés dès la Révolution française jusqu'à la fin de l'Empire. Un ouvrage de référence, si cette question vous intéresse, si vous avez envie de suivre par les médailles, en quelque sorte, les années qui nous occupent, cet ouvrage de référence est extrêmement important, de Lisa Zeitz et de Joachim Zeitz, sur les médailles de Napoléon, qui documentent extrêmement bien, avec d'excellentes illustrations, cette période. Si on regarde à nouveau dans la collection de Goethe, on constate qu'en effet, il a la victoire aux arts qui représente la Médicéische Vénus, la Vénus Médicis, qu'on vient de voir sur la liste, et également, sous le numéro 1731 et 1732, les deux médailles du musée Napoléon qui représentent la salle de l'Apollon pour l'une et la salle du Laocoon pour l'autre. Voici la médaille frappée pour l'arrivée de la Vénus Médicis, la Vénus Médicis que l'on voit ici, donc sur cette médaille de bronze, dont les dimensions sont aussi à peu près de 4 cm de diamètre et qui pèse 35 grammes. On voit ici donc cette Vénus Médicis qui était l'un des objets les plus prestigieux de Florence au XVIIIe siècle. Vous savez, je vous rappelle qu'au XVIIIe siècle, les musées de Florence sont des musées publics. L'Europe entière, l'Europe lettrée, l'Europe voyageuse connaît cette Vénus Médicis. C'est un peu la Joconde de Florence au XVIIIe siècle. Et Napoléon Bonaparte et la France en général, puis Vivant Denon derrière en tant que directeur du Louvre, va tenter de s'emparer de cette Vénus Médicis en plus de toutes les autres œuvres qui avaient été déjà prises en 1796-1797 à Rome, dans les États pontificaux. Ils vont, à partir de 1801, vraiment essayer de l'avoir et en 1803, enfin, la France réussit à confisquer cette Vénus Médicis. Elle est représentée ici, et c'est formidable, sur cette médaille. Elle regarde le spectateur, elle vous regarde directement, là, elle vous regarde droit dans les yeux. Et ce qu'elle vous dit, avec le texte, c'est « aux arts, la victoire », c'est-à-dire le vainqueur peut s'approprier la beauté, en quelque sorte. La très grande beauté nue de cette statue antique, qui en plus, à cause du point de vue choisi par le dessinateur, Romain Vincent Geoffroy, n'a pas ce geste pudique qu'on a habituellement quand on la voit de face, puisqu'avec la perspective adoptée par le dessinateur, en plus, on peut la voir dans tout son érotisme, en quelque sorte, puisque la main ne cache en fait pas grand-chose. Donc, aux arts, la victoire, le lien entre les arts et les armes, l'encadre du consulat de Bonaparte, donc le nom de l'acteur de celui qui se l'est approprié, et l'encadre nous donne la date du consulat de Bonaparte, c'est-à-dire qu'on est en 1803. Et le revers de la médaille est extrêmement explicite. On y voit le profil de Bonaparte, donc dessiné par Geoffroy, la date 1803, Denon Direxit, donc c'est Geoffroy qui fait quitte, qui a dessiné, et c'est une idée de Dominique Vivant Denon de faire dessiner cette médaille, comme toutes les médailles de l'Empire, et il est directeur général du Musée central des arts. Toutes les informations sont là, et si on regarde les autres médailles, elles fonctionnent de manière différente, mais elles allient également le Musée Napoléon, dont le nom est inscrit ici, sur cette autre médaille de bronze dessinée, celle-ci, par Bertrand Andrieux, et qui est un peu plus petite. Elle pèse 20 grammes et à 3,4 cm de diamètre. Voilà, on a l'information, le musée Napoléon, la République française ici, RF, le groupe du Laocoon, dont on a souvent parlé tout au fond. Elle représente la salle donc, du Laocoon. Ici, vous voyez écrit Andrieux fait quitte et Denon dirigit. Et de l'autre côté, bien sûr, le profil de Napoléon, cette fois coiffé de laurier, donc dans sa position victorieuse d'empereur romain, imité d'un empereur romain. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que dans ces années-là, non seulement la propagande donne cette information, nous nous approprions les arts parce que nous sommes les vainqueurs, le plus fort s'approprie le patrimoine des autres, mais qu'on a toute une correspondance, notamment entre Dominique Vivant Denon, ils existent tous en médaille. On peut tout représenter tous les acteurs qui vont nous occuper ici, de Wellington à tous en médaille. Donc je vous montre ici une médaille avec le profil de Dominique Vivant Denon, en plus, qui fait face à Bonaparte. Et on a à cette époque-là toute une correspondance qui nous montre bien ce geste de supériorité et militaire lié à la création du musée. Cette lettre du 25 Messidor en 11e, c'est-à-dire de l'année 1803, qui est adressée par le Musée central des arts, qui s'appelle encore le Musée central des arts, par Dominique Vivant Denon, au premier consul, citoyen, premier consul, virgule. La Vénus est enfin arrivée. Après avoir été arrêté par la glace, le bateau sur lequel elle était s'est engravé. Il a fallu que Jean voie au-devant d'elle. Je l'ai fait prendre sur une allège qui l'a amené de l'Allier sur la Loire, dans le canal et enfin sur la Seine. Elle n'a pu être déballée qu'aujourd'hui à midi. Elle est arrivée sans aucun accident, mais il faut 15 jours pour la mettre en état. J'ai donc remis à votre arrivée l'ouverture des nouvelles salles du musée des statues. Jamais plus beau trophée de victoire, entièrement dû à vos travaux. C'est à vous, général, à faire l'inauguration de ce monument. Donc ici, on a le courtisan de nom qui explique au premier consul, à Bonaparte, que la Vénus est enfin arrivée, cette Vénus qu'ils attendaient tant. Il faut imaginer que la Vénus est un objet sur des milliers d'objets qui sont déjà arrivés depuis les années 1794. Elle est enfin arrivée, je vais la faire installer, et ce musée est un trophée de victoire. L'ensemble du musée est un trophée. Et cette expression de trophée est extrêmement importante pour ce qui va se passer ensuite. Il y a une frise sur la porte qui attend une inscription, explique Denon à Bonaparte. Je crois que Musée Napoléon est la seule qui y convienne. On a appelé le musée Clémentin celui que le pontife Canganelli n'a fait que rassembler. C'est vous qui avez formé, conquis et donné celui-ci. Comment votre nom ne serait-il pas attaché à un si grand bienfait, à une si grande gloire pour la nation ? Je n'ai pas voulu faire placer cette inscription sans vous en prévenir, mais j'ai pris sur moi de faire jeter les lettres en bronze. J'espère que les consuls en donneront l'ordre de la faire placer pendant votre absence. Donc ici, Dominique Vivant-Denon, qui est directeur général du Musée Central des Arts, propose que ce musée, maintenant que la Vénus est là, qu'on l'appelle tout simplement Musée Napoléon. Il a tout préparé, il a fait préparer les lettres. Et la dernière phrase de cette lettre est « La médaille de la Vénus est faite et se distribuera le même jour que la statue sera vue du public ». Donc on a vraiment pratiquement une opération de relations publiques, hein, le petit objet qui va servir au moment où on va inaugurer la salle de la Vénus, qui est le summum de ce qu'a pu atteindre Napoléon dans son trophée qui est le musée. On va en plus distribuer cette petite médaille. On est exactement dans la propagation d'une politique du triomphe, du trophée et de l'appropriation artistique qui l'accompagne. Le discours est extrêmement clair. Et d'ailleurs, toute la scénographie du musée Napoléon dans les années qui suivent joue de ce lien entre les arts et les armes. Pas toute la scénographie, mais un grand nombre d'endroits dans le musée. Vous voyez ici une salle où ont été présentées en 1807 les œuvres conquises en Allemagne. Et la mise en scène de cette salle est extrêmement explicite. D'un côté, donc vous avez des œuvres d'art antiques saisies dans les palais de Frédéric le Grand, qu'un groupe de visiteurs guidés par Vivant-Denon visite. Sur la droite, des armures, qui sont des trophées militaires absolument explicites pris à Vienne en 1805, et de l'autre côté, ce mur, enfin de notre point de vue maintenant, qui est tellement explicite qu'il en est presque ridicule, où vous voyez en haut le triomphe du vainqueur de Rubens saisi à Cassel en 1806, un tableau de 3 mètres de longueur sur 2 mètres de haut, donc un très grand tableau, qui surplombe un buste de Napoléon créé pour l'occasion par Bartolini, et entre le triomphe, cette allégorie de la victoire, et le buste de Napoléon empereur, une flotte, en fait, sans doute tenue par du fil de pêche, flotte comme si elle flottait dans les airs, une grande couronne de laurier. On ne peut pas être plus explicite, d'autant que le catalogue de cette exposition le dit. Il s'agit donc en 1807 d'une exposition montrant les statues, bustes, bas-reliefs, bronzes et autres antiquités, peintures, dessins et objets curieux conquis par la Grande Armée dans les années 1806 et 1807, dont l'exposition a eu lieu le 14 octobre 1807, premier anniversaire de la bataille d'Iéna. Donc en plus, la symbolique des dates, on choisit pour ouvrir l'exposition le premier anniversaire de la bataille d'Iéna, qui est la bataille la plus humiliante que la Prusse ait jamais subie. Et du point de vue des perdants, en quelque sorte, qui viennent voir cette exposition, enfin il faut se mettre dans la peau des Florentins qui vont venir voir leur Vénus, ou des Allemands qui vont se trouver ici à Paris pour venir voir cette exposition, évidemment c'est une humiliation considérable. Non seulement on vous rappelle que vous avez perdu à Iéna, mais en plus on vous fait une mise en scène où des tableaux de Cassel surplombent Napoléon. On ne peut pas être plus dans une logique d'humiliation politique. Tout ça pour dire qu'en 1814, quand les alliés, les puissances coalisées, entrent dans Paris, ce lien entre les armes et les arts est si fort et si établi depuis si longtemps que eux aussi, bien sûr, ont très vite en tête la reprise éventuelle de leur trésor et pourquoi pas, à leur tour, de constituer un grand trophée de guerre qui serait la reprise du musée Napoléon. Et c'est à ce moment-là que la question, en 1814, va se poser. Je vous montre ici, simplement pour rappel, l'entrée des puissances coalisées, donc des princes, des souverains des puissances coalisées à Paris, dans une gravure russe, ici. Donc l'empereur de Russie, Alexandre Ier, a été l'acteur principal de cette première entrée à Paris. La coalition rassemble les Russes, les Prussiens, les Autrichiens et les Britanniques qui ne sont pas exactement dans la coalition mais qui ont joué ce rôle militaire extrêmement important. Et ils passent ici devant la porte Saint-Martin, ils sont en train d'entrer dans Paris. Autre représentation, der Einzug seiner Majestät des Kaisers Franz des Ersten in Paris 1814, donc l'entrée de sa Majesté l'empereur François Ier d'Autriche à Paris, vous le voyez ici, vêtu de blanc, qui entre également à Paris. C'est un événement européen mondial, en fait, que cette victoire sur Napoléon, qui fait l'objet aussi de médailles en tout genre, celle-ci n'est pas particulièrement réussie. Elle montre le Einzug in Paris, mais elle m'a intéressée parce que les trois alliés, donc Alexandre de Russie, François d'Autriche et Frédéric Guillaume III de Prusse, y sont montrés ensemble. Et le point d'orgue de ce moment, de cette entrée militaire à Paris, c'est l'abdication de l'empereur Napoléon qui est affichée dans la ville, qui est affichée dans toute l'Europe, qui est diffusée par la presse, par des informations en tout genre, par tous les canaux dans la presse européenne. Extrait du Moniteur, acte d'abdication de l'empereur Napoléon. Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce pour lui et ses héritiers au trône de France et d'Italie et qu'il n'ait aucun sacrifice personnel, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt de la France. Faite au palais de Fontainebleau, vous connaissez tous cette abdication de Napoléon qui a été souvent représentée à Fontainebleau, le 11 avril 1814, signé Napoléon et affiché partout par ordre de Monsieur le Préfet le 13 avril 1814. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historienne de l'art Bénédicte Savoie, sa série 1815 Année Zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art, aujourd'hui, qu'est-ce que reprendre ? À partir de la mi-avril au plus tard, les puissances alliées sont dans Paris, occupent Paris et se posent la question du Louvre. Que faire avec ces trophées, avec ce qui a été représenté aussi, pas seulement, mais aussi comme un trophée de guerre, que faire avec ces pièces ? Et j'appelle ça une hésitation patrimoniale parce que vous allez le voir, en 1814, finalement, on ne fait presque rien pour des raisons diplomatiques sur lesquelles je reviens tout de suite. Alors d'abord, une précision. On a parfois l'impression, quand on lit les textes sur cette année 1814, que c'est au moment où arrivent les alliés qu'ils commencent à réfléchir à des reprises, à reprendre. Or, en réalité, dès que les œuvres ont été confisquées par la France, dans pratiquement toutes les villes de l'Europe, les demandes de restitution arrivent un an ou deux ans après, arrivent très vite. On a dans les archives, aux archives nationales, des piles de demandes de restitution qui, soit n'ont pas été considérées par la France, entre 1794 et 1814, soit qui ont obtenu des réponses de Dominique Vivant-Denon, qu'on voit dans sa correspondance, par exemple, qui sont du genre « Ah non, impossible ». Ce tableau-là, non, impossible, on ne peut pas le rendre, il est trop important pour la collection, etc. Donc pendant 20 ans, en fait, les villes, les citoyens des villes, les États tentent de demander des restitutions et ils se confrontent au refus, en particulier de Dominique Vivant-Denon, plus généralement de la France, un refus qui souvent est extrêmement arrogant. Je vous montre ici un tableau de Rubens, à nouveau, le martyr de Saint-Pierre, c'est l'un des derniers tableaux de Rubens, il mesure 3 mètres sur 1 mètre. 70. Il était dans une église de Cologne, l'église Saint-Pierre. Il représente le martyr de Saint-Pierre. Et Rubens avait donné ce tableau lui-même à cette église où il avait été baptisé. Donc il y a un lien très fort entre l'église Saint-Pierre et ce tableau qui a été saisi par les Français en 1794 et apporté au musée central des arts. Pour ce tableau, on trouve dans les archives nationales, je vous montre ici une seule de ces lettres avec le tampon archives nationales, une multitude de lettres qui en demandent la restitution. À partir, alors ici c'est une lettre de l'an 10, c'est-à-dire 1802, ça avait commencé avant, ça continue après. Je vous montre un tout petit peu le genre d'argument. En 1802, vous savez que Cologne est devenue une ville française, et donc le maire de la ville de Cologne écrit à un commissaire général du gouvernement pour tenter d'obtenir la restitution de ce tableau. Il écrit « Cologne possédait une riche collection de peintures dans ses couvents. Plusieurs tableaux en ont été enlevés et placés dans les musées de la capitale. Entre autres, le superbe tableau de Rubens, la crucifixion de Saint-Pierre, se fait principalement remarquer dans les salles où les chefs-d'œuvre de tous ces grands maîtres sont réunis. Ce tableau est de Cologne. » Ce tableau est de Cologne. Hein, vraiment, le lieu où il appartient, c'est Cologne. Ce tableau est de Cologne. Rubens lui-même en fit présent à l'église où il fut placé. Je ne parlerai pas d'une autre collection de gravures, etc. Donc, il accumule ensuite une liste de toutes les pièces que la France s'est appropriées et il demande à la fin une restitution et la réponse est niette. Ça, c'est un exemple parmi d'autres qui est bien documenté. Je vous en montre peut-être un autre pour avoir cette dimension européenne. Ici, vous voyez le nonce apostolique Antonio Gabriele Severoli, nonce apostolique en Autriche, qui est en 1814, quand les troupes autrichienne arrive à Paris. L'Italie n'est pas représentée parmi les puissances militaires, bien sûr, c'est les Autrichiens qui vont prendre en charge l'Italie pour des raisons diplomatiques sur lesquelles on reviendra probablement la prochaine fois. En tout cas, en 1814, il est en contact, ce Severoli, avec le cardinal secrétaire d'État du pape de Pie VII, Ercole Consalvi, et il lui écrit, à ce moment-là, voilà Consalvi, dans ce beau tableau portrait de Thomas Lorenz, il lui écrit donc le 23 mai 1814, quelques semaines après l'entrée des Alliés à Paris, l'autre lui demande où on en est avec les œuvres d'art, etc. Il répond « Io dall'anno 9 sin qui chiesto sempre tutto e anche, per così esprimermi, le scopi di casa, voglio dire i quadri, le statue, etc. » Donc, en mai 1814, il répond au pape, en quelque sorte, que depuis l'an 9 de la République, c'est-à-dire depuis plusieurs années, « Io ho chiesto sempre tutto. J'ai toujours tout réclamé, de manière permanente et répétée, depuis l'an 9, y compris les tableaux, les statues, etc. Et donc, dans ces semaines extrêmement vives de négociations à Paris, les Italiens, et notamment les États pontificaux, tentent de prendre contact avec les ambassadeurs britanniques et les ambassadeurs allemands, donc Guillaume de Humboldt et le comte de Aberdeen, pour tenter d'obtenir des restitutions. Je vous montre un extrait d'une de ces lettres, il y en a un très grand nombre également. 28 avril 1814, le nonce apostolique a l'honneur d'adresser à son Excellence Monsieur le Comte de Aberdeen le mémoire 6 juin qui a pour objet la réclamation des archives, des manuscrits et des monuments de l'art qui ont été enlevés au Saint-Siège et transportés à Paris. Ils ont pour objet la réclamation. On est encore à un stade où on ne reprend pas, on réclame. On demande poliment en quelque sorte. On aimerait bien, maintenant qu'on est revenu et que Napoléon est parti, on aimerait bien que vous nous rendiez. C'est ça la logique. Et il continue, il le prie respectueusement de faire connaître à son auguste souverain la confiance sans borne que le Saint-Père met dans la justice et la magnanimité de ce monarque qui daignera bien s'intéresser à ce que Rome soit remise en possession. Remise en possession. On n'est pas dans la reprise. On veut être en situation d'être remis en possession. C'est des phrases qui sont extrêmement choisies, des termes extrêmement choisis, soit remis en possession de ces objets si précieux et qui lui sont si nécessaires. Et là, en fait, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que ces alliés qui viennent de chasser, ces puissances coalisées qui viennent de chasser Napoléon, de vaincre Napoléon, remettent en place les Bourbons, remettent en place Louis XVIII, que vous voyez ici, et qui est leur allié. Donc ils remettent en place un roi, et l'idée générale de ces diplomates, c'est que pour que ce roi, qui est un roi un peu mou, qui n'est pas du tout apprécié, enfin en tout cas après la Révolution et après des années de propagande napoléonienne, la population française pense les alliés, n'a pas très envie de retrouver un Bourbon, enfin on a eu la République, là on va être restauré dans une monarchie, etc. Et l'idée, c'est qu'il faut être très prudent et aider ce roi à revenir en place, à reprendre ses marques, et que si on vide les musées, ça va mettre tout le monde en colère contre lui et contre cette restauration. Donc, par prudence, par amitié, pour des raisons diplomatiques, ces demandes qui arrivent de tous les côtés vont être éludées et les princes eux-mêmes et leurs diplomates vont toujours répondre « Oui, on comprend que vous voulez récupérer vos œuvres, mais on va laisser le Louvre tel quel. On ne va pas y toucher, ça créerait un trop gros scandale et ça mettrait trop en difficulté Louis XVIII. » Vous voyez ce dessin ici, un dessin préparatoire pour une médaille également, où on voit donc les quatre souverains des puissances coalisées et Louis XVIII, ici avec ses fleurs de lys, qui concluent une alliance de paix. Le 12 mai 1814, c'est en plein dans les semaines qui nous occupent. Et le 4 juin 1814, finalement, pour ce qui concerne les œuvres d'art, il y a plein d'autres négociations sur plein d'autres sujets à l'époque. Les frontières de la France, les propriétés, les biens, enfin, bon. Toute une grande série de sujets sur lesquels on reviendra quand on aura notre séance juridique. Mais ici, en tout cas, le 4 juin 1814, finalement, Louis XVIII déclare officiellement « La gloire des armées françaises n'a reçu aucune atteinte, les monuments de leur valeur subsistent et les chefs-d'œuvre des arts nous appartiennent désormais par des droits plus stables et plus sacrés que ceux de la victoire. » Alors là, il en remet une couche, en quelque sorte, vraiment. Non seulement on les avait par les droits de la victoire, parce qu'on avait été les plus forts, mais maintenant on les a parce que, les alliés sont d'accord avec moi, ces chefs-d'œuvre nous appartiennent désormais par des droits plus stables et plus sacrés que ceux de la victoire. Donc tous ceux qui avaient eu l'espoir à ce moment-là de récupérer leur Vénus, de récupérer leur martyr de Saint-Pierre, de récupérer leur Apollon du Belvédère, etc., et ça, ce sont seulement les icônes derrière des caisses et des milliers d'œuvres d'art. Tous les espoirs s'écroulent à ce moment-là. Et certains commissaires qui avaient été envoyés à Paris, notamment des commissaires allemands, se demandent s'ils vont rester ou s'il faut qu'ils repartent dans leur ville. Mais, au même moment, intervient un accord secret oral dont on n'a aucune trace écrite. On a seulement des traces écrites qui nous indiquent qu'il y a eu un accord secret oral entre le roi, Louis XVIII, et le roi de Prusse et les puissances allemandes, qui leur dit qu'on va restituer discrètement, sous le radar, ce qui n'est pas exposé au Louvre. C'est-à-dire les œuvres qui n'ont pas fait l'objet d'une exposition, puisque les Parisiens ne les connaissent pas, puisque les Français ne les connaissent pas, on va pouvoir les restituer en douce, en quelque sorte. Et c'est comme ça que, par exemple, le quadrige de la porte de Brandebourg à Berlin, que vous connaissez tous, qui avait été enlevé en 1806 par Dominique Vivant-Denon, mais qui n'avait pas trouvé de place à Paris, malgré des plans variés et qui se trouvait dans des dépôts de décors d'opéra, va revenir. Alors, il sort discrètement de Paris. Quand il arrive, c'est plus du tout discret. Il arrive dans une effervescence de joie. On reviendra là-dessus. Mais en tout cas, c'est comme ça que le quadrige de la porte de Brandebourg va être une des pièces qui quitte Paris en 1814. Et cet accord secret fait que, notamment, des commissaires allemands restent à Paris pour tenter donc d'obtenir ce qu'on leur a promis oralement. On a un formidable document des négociations que mènent alors les commissaires. Je vous montre la couverture de cette publication. Jean-Henri, c'était le directeur de la Kunstkammer, donc du musée de Berlin. Et il était huguenot, c'est-à-dire qu'il écrit et il parle en français. Et donc il vient pour Berlin, pour le roi de Prusse, récupérer les œuvres d'art à Paris en 1814 avec sa femme. Il fait ce long voyage à Paris et il tient un journal de bord en langue française qui nous permet de suivre vraiment au jour le jour la manière dont se sont faites les choses. Donc c'est une histoire racontée par le bas en quelque sorte. On n'a pas les puissances, etc. On a ce pauvre Henri qui était un gros monsieur, un très gros monsieur avec sa femme qui désespère d'obtenir ce qu'il veut. Je vous montre juste un tout petit extrait de la manière dont les choses se passent. Donc pour lui en juin, Cet accord secret, il est là déjà depuis la mi-avril, ça fait un moment, il essaye, il a entendu parler. Quand il a entendu que toutes ses œuvres nous appartenaient par des droits plus stables que la victoire, il écrit « Tout est perdu pour nous », et puis un grand blanc dans son journal intime, etc. Et puis voilà, juin, espoir à nouveau, il essaye d'obtenir ce qui est promis dans cet accord secret. 6 juin, lundi, visite à Visconti, qui paraît bien refroidi. Visconti, c'est le conservateur du musée des Antiques, à ce moment-là. Chez Milin, Milin, c'est le directeur du cabinet des médailles à la Bibliothèque nationale, qui à présent plaide avec chaleur et avec 1000 sophismes pour la conservation des vols. Donc tous ceux qui avant avaient dit oui, on va voir, on va pouvoir vous restituer tout, maintenant qu'il y a cet accord secret, rétropédale. 15 juin, mercredi, fait la connaissance de l'orientaliste Langlès, il était conservateur principal pour les manuscrits orientaux à la Bibliothèque nationale. Il parla beaucoup et montra peu. Il nous renvoie à lundi, 20 juin, lundi. L'Anglaise nous avait oubliés et paraît de glace. 30 juin, jeudi. Première visite à Denon, très froid et gêné. 5 juillet, mardi, chez Denon, un peu dégelé, qui nous entretient de l'Égypte. 13 juillet, mercredi. Vous voyez, là, on vient de passer de juin à juillet dans ce qu'il appelle un antichambrage insupportable qui ne sert à rien. 13 juillet, mercredi, au musée des médailles et antiques pour parler à Mionnet, l'un des conservateurs, Théodore Edme Mionnet, qui, froid et glacé, me renvoie pour la réclamation des impériales de bronze et des bractéates à Dacier et à Gosselin, directeur, chez Dacier. Beau petit vieillard, très vif, toujours parlant. Il m'a entretenu une heure sans toucher à mes affaires. Quand enfin j'ai pu ramener mon affaire, il a déclamé contre Denon et toujours esquivé de me donner des conseils ou me promettre des ordres de délivrance. De là, chez Gosselin, qui était à table et m'a cependant admis, mais a été d'une politesse repoussante et a parlé un tout autre langage que la première fois. De là chez Milin, qui est tout de glace. Donc ces commissaires, ce Henri et quelques autres, tentent de récupérer ce qui leur a été promis désormais, mais c'est vraiment un travail exténuant, frustrant, humiliant, qui mène à quelques restitutions seulement, d'autant que Dominique Vivant-Denon, le père du musée du Louvre, invente une parade imparable. Puisque au milieu de l'été 1814, ouvert le 25 juillet 1814, donc alors que Louis XVIII a dit qu'on pourrait restituer sous le radar ce qui n'est pas exposé, là, Vivant-Denon fait une grande exposition où il met tout ce qui n'avait pas été exposé. Donc vous voyez une drôle d'exposition pot-pourri, en quelque sorte, notice des tableaux des écoles primitives, c'est-à-dire des écoles des siècles du Quattrocento, notamment italien, des écoles primitives de l'Italie, de l'Allemagne, et de plusieurs autres tableaux de différentes écoles, donc notamment de l'école espagnole, exposés dans le grand salon du musée royal, ouvert le 25 juillet 1814. Alors là, notre pauvre Henri et les autres sont vraiment extrêmement en colère. Enfin, ils ont l'impression qu'on se moque d'eux. Ils disent, voilà, maintenant, Denon a exposé, donc on ne peut plus récupérer ce qui est exposé. Et donc, finalement, les reprises ou les restitutions de l'année 1814, comme je le disais, sont minimes. Revient Napoléon, donc les 100 jours. On est en février 1815, une médaille est frappée, bien sûr. Vous voyez ici, Napoléon, retour de l'empereur, mars 1815, avec ce soldat qui semble, et ce citoyen qui semble l'accueillir, dessiné par Andrieux à nouveau. Et donc, pendant les 100 jours, tous les souverains, les puissances occupantes, les commissaires chargés de la récupération ou de la demande des œuvres retournent tous dans leur ville d'origine. Et on pense que Napoléon va rester, en quelque sorte. Donc là, il y a une nette interruption dans toute cette démarche qui va se retourner après les 100 jours, c'est-à-dire au tout début du mois de juillet 1815. Et en ce tout début du mois de juillet 1815, ce qui est clair dans certains milieux, et notamment dans les milieux militaires et dans la jeunesse, dans les jeunes volontaires qui ont participé à Waterloo notamment, il est clair que cette fois, on ne va pas se laisser faire sur la question des œuvres d'art. Et la frustration qui s'est accumulée en fait depuis 1794 et puis en particulier en 1814 lorsque des promesses avaient été faites mais n'ont pas été tenues, cette frustration fait que la deuxième fois en quelque sorte, lors de la seconde entrée à Paris, plus aucune patience n'est perceptible dans les négociations des alliés. Et celui qui va jouer le rôle principal à ce moment-là n'est plus un diplomate, n'est plus un des souverains comme on l'avait vu lors de la première entrée à Paris, où les diplomates jouent le rôle principal, un rôle de médiation, en fait. Mais c'est l'armée, et en particulier le général, le feldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher, prince de Wallstadt, Blücher donc, qui commandait l'armée prussienne à Waterloo, qui va décider de ce qui se passe à Paris. Il occupe Paris avec les autres puissances coalisées, mais c'est lui qui fait les premiers pas. Et il fait les premiers pas de manière extrêmement rapide. L'idée qu'on voit dans leur correspondance interne, c'est qu'il ne faut pas laisser le temps aux diplomates de s'emparer de la question, il faut créer une situation de fait qu'ils trouveront, un état de fait qu'ils trouveront ces diplomates quand ils arriveront, avec l'idée que les diplomates sont trop mous, sont trop prêts à faire plaisir à la France et que là, il faut y aller, en quelque sorte. Dans tous les textes de cette deuxième entrée à Paris, de cette deuxième occupation de Paris, on voit que, notamment dans cette lettre extrêmement importante du vicomte de Castelrac, qui était l'un des diplomates du Congrès de Vienne, un Britannique, qui écrit cette lettre du 11 septembre 1815, extrêmement importante, sur laquelle on reviendra à plusieurs reprises. En tout cas, dans ces textes, il est dit partout, toujours, que là, c'est la deuxième fois, alors ça va, en quelque sorte, hein, pour le dire simplement. Le voilà, Castelrac, il écrit dans cette lettre, ou cette note, adressée aux alliés, c'est la seconde fois actuellement que les puissances de l'Europe ont été forcées, pour venger leur liberté et pour pacifier le monde, d'envahir la France. Et deux fois, leurs armées se sont emparées de la capitale de l'État, dans lequel ces dépouilles de la plus grande partie de l'Europe sont accumulées. Donc cette idée de « c'est la deuxième fois », ça suffit, est présente dans les textes britanniques, mais aussi dans la presse allemande. Je vous montre ici donc le Rheinischer Merkur, dont on a parlé déjà la fois précédente, qui, en première page, consacre un long article, en fait, de plusieurs pages, à « Die Zurücknahme der Kunst und wissenschaftlichen Werke », la reprise, « Zurücknahme »,« nehmen », c'est prendre, et « zurück », c'est reprendre. Là, on est bien, ça y est, on est arrivé dans la logique de la reprise. Donc, la reprise des œuvres d'art et de science, le 6 août 1815, et ici, il est dit, très explicitement, « Divide Eroberung dieser Gegenstände, die allgemein als ein unveräußerliches Volkseigentum etc. » En fait, ils nous disent ici que la reprise, Wiederforderung, la réclamation en fait, Wieder et Forderung, réclamation, la réclamation de ces objets qui sont considérés pour tous comme un Volkseigentum, c'est-à-dire une propriété populaire générale et incessible, unveräußerlich. Donc ces œuvres occupent les esprits, occupe beaucoup les esprits en Allemagne, beschäftigt die Geister in Deutschland stark und sehr. Et ce qui nous importe ici, c'est im vorigen Pariser Frieden waren sie unter den vergessenen und verspielten Dingen. Lors de la précédente paix de Paris, on les a oubliés et on a perdu le jeu. Ça a été verspielt. Spiel, c'est le jeu. On a perdu la partie la dernière fois. Et cette fois, diesmal hat man damit angefangen. Et cette fois, on a commencé avec ça et il faut y aller, il faut foncer. C'est le propos. Ici, on trouve également des textes de ce genre dans la presse italienne. Ici, la Gazzetta di Firenze, qui aussi consacre un très très long article, presque sur trois pages, d'un numéro de novembre 1815. Parigi, donc c'est une lettre adressée, écrite en septembre. Et ici, on voit écrit « immediatamente dopo l'arrivo dei sovrani ». Donc ici aussi, immédiatement, dès qu'ils sont arrivés, ils ont pris en compte cette question du musée. Et face donc à cette irruption militaire, puisque Blücher va faire passer très vite, enfin il commence par demander une ou deux fois à Denon de livrer les pièces qui ont été promises, et puis les autres, et puis Denon tergiverse, temporise, etc. Et finalement, Blücher va faire placer dès le mois de juillet 1815 des hommes en armes dans le musée pour obliger, en fait pour reprendre, on y est, ça y est, pour reprendre ses œuvres et pour obliger la France à les laisser sortir et Dominique Vivant-Denon. Alors, on a d'un côté toujours le point de vue des alliés italiens, représentés par l'Autriche et par l'Angleterre, autrichiens, espagnols, prussiens. Et on a aussi le point de vue de la France, de Dominique Vivant-Denon, que j'ai souvent cité, que vous connaissez, le fameux précis de ce qui s'est passé au Musée Royal depuis l'entrée des alliés à Paris, puisque Denon va tenir lui aussi un journal de ce qui se passe chaque jour, de la violence qui est faite à son musée et qui est faite, en fait, aux arts. Violence, mais nous avons compris maintenant que cette violence est le résultat, en quelque sorte, d'une longue accumulation de patience ou de frustration. Il écrit, j'ai déjà lu à plusieurs reprises dans ce cours, mais je pense qu'il est important de le relire encore une fois, ce début de texte. Des circonstances inouïes avaient élevé un monument immense, des circonstances non moins extraordinaires viennent de le renverser. Il avait fallu vaincre l'Europe pour former ce trophée, il est toujours dans la victoire et le trophée. il a fallu que l'Europe se rassemblât pour le détruire. Le temps répare les maux de la guerre, des nations éparses se recomposent, mais une telle réunion, cette comparaison des efforts de l'esprit humain dans tous les siècles, cette chambre ardente où le talent était sans cesse jugé par le talent, cette lumière enfin qui jaillissait perpétuellement du frottement de tous les mérites, vient de s'éteindre et de s'éteindre sans retour. La destruction du musée est devenue un monument historique. J'ai regardé comme un des devoirs les plus importants et le plus douloureux que j'ai à remplir, de donner au public, à qui ce musée a si complètement appartenu, le journal fidèle et les détails les plus exacts des opérations qui ont amené son démembrement. Donc, grâce à ce texte de Vivant Denon, qui a été publié en 1999, avec toute sa correspondance administrative, on peut suivre, d'abord on peut voir, et ce sera l'objet de notre prochaine séance, comment l'idée d'universel, de réunion universelle des arts, va être confrontée à l'idée d'une propriété nationale, mais aussi parce que la France en avait fait une propriété nationale et un trophée national, en quelque sorte. Donc comment va s'opérer ce glissement? On peut lire dans ce texte-là, mais on peut lire aussi, puisqu'aujourd'hui on est un peu dans cette séance chronologie, la chronologie des événements et les ruses que Denon tente d'opposer à ses forces armées. On a une autre source qui nous permet de reconstituer cette chronologie, c'est l'inventaire Napoléon, dont il m'est arrivé de montrer des pages quelquefois. L'inventaire Napoléon, c'est en un grand nombre de volumes la liste de toutes les pièces qui avaient été réunies au musée Napoléon autour de 1800. Il a été rédigé à partir de 1811 et vous voyez ici donc cet inventaire qui est rangé par école, école allemande et flamande, puis par nom d'artiste, vous avez ici Rubens. Cet inventaire va être complété par des mentions marginales que vous voyez ici, qui sont la mention de la reprise des œuvres par les commissaires. J'ai pris ici la page donc, qui concerne Rubens. Et si on va sur les marges, on voit par exemple donc, un Saint-François d'Assise pris dans la galerie, je ne sais pas où, on va voir, en tout cas, a été enlevé par les commissaires belges et hollandais, et c'était le numéro 600 du livret de 1810. Donc à chaque pièce qui avait été saisie, on va trouver en face la mention des commissaires qui reviennent et à quelle date pour les reprendre. Plus loin, ici, le Saint-Pierre, voilà notre Saint-Pierre de l'église de Cologne, mention remis à M. de Groot, suivant son certificat du 14 juillet 1814, d'ordre du général Blücher, etc. Donc là encore, le martyr de Saint-Pierre que les Colonnois, ou les habitants de Cologne avaient attendu depuis 1794, là, va être la première pièce, en fait, que les Allemands, les Prussiens, reprennent. Ou là encore, une allégorie du Palais Pitti à Florence, remise au commissaire florentin et délégué, partant pour la guerre, etc. Sur les écoles d'Italie, pareil, si vous prenez Raphaël, Sainte-Cécile, la Sainte-Cécile de Raphaël, on la voit ici enlevée par M. Canova, donc à l'été, ou à l'automne en fait, 1815. Elle portait le numéro 1139 du livret de 1810. Pour revenir à la chronologie, entre le début du mois de juillet, vous savez que Waterloo c'est le 18 juin 1815, donc dès le début du mois de juillet, 1815, jusqu'au plus tard en novembre, en quelques mois, dans cet automne 1815, jour après jour, les puissances alliées, soit elles-mêmes, soit en aidant les autres, par exemple les Belges et les Hollandais se font aider par les Britanniques, vont venir, jour après jour, reprendre avec des hommes armés les pièces qui leur appartenaient. Et c'est ça, cette reprise, avec l'une des grandes figures de commissaires, j'ai évoqué tout à l'heure Jean-Henri, j'avais évoqué la dernière fois Jacob Grimm, l'un des frères Grimm, qui s'occupe des tableaux de Cassel, mais la grande figure sur laquelle, dont on va beaucoup entendre la voix pendant tout notre cours jusqu'à la fin des séances, c'est le sculpteur Antonio Canova, qui est envoyé par le pape pour récupérer les pièces les plus prestigieuses des collections pontificales. Et c'est là-dessus que je souhaite m'arrêter aujourd'hui, sur ces deux visages, en quelque sorte, celui qui regarde vers le bas et celui qui regarde vers le haut, la génération qui part et la génération qui arrive, la génération qui est sortie de l'Europe des Lumières et celle qui est entrée dans une Europe des nations, plus patriotique. Je dis un mot simplement sur la bibliographie qui m'a permis de construire le cours d'aujourd'hui. D'abord, et toujours, le catalogue L'œil de Napoléon, Dominique Vivant Denon du Louvre en 1999, et en particulier le chapitre 10, Réflexion sur le problème des restitutions d'œuvres d'art en 1814 et 1815 d'Édouard Pommier. La correspondance de Denon, déjà citée souvent, et en particulier sa version numérique sur le site de la Fondation Napoléon, napoleonica.org, qui permet de faire une recherche par mot. On peut faire Vénus, Médicis, Rubens, etc. Et on trouve tout de suite ce qui vous intéresse, avec ici le texte, les 85 lettres du précis de ce qui s'est passé au Musée Royal, etc. Le colloque qui avait accompagné en 1999 l'exposition Dominique Vivant-Denon, et en particulier le deuxième tome de ce colloque publié avec trois articles importants de Gilles Pécou, Marie-Claude Chaudonneret et Dominique Poulot, où il est question des restitutions de 1814-1815. Et puis pour prendre l'autre point de vue, donc cet ouvrage sur le retour de Vénus, Florence 1815, tout récent, qui reprend, qui rouvre tous les dossiers sur la question, pas seulement pour Florence, et qui est extrêmement important, ou pour ce qui concerne l'actuelle Belgique, cette thèse remarquable de Christophe Loire. Le titre ne nous montre pas tout de suite qu'il s'agit bien de prise et de restitution, mais la sécularisation des œuvres d'art dans le Brabant, 1773-1842, la création du musée de Bruxelles. Voilà, je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours de Bénédicte Savoie. Aujourd'hui, 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Aujourd'hui, qu'est-ce que reprendre ? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Bénédicte Savoie. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « Objet du désir, désir d'objet ». Elle a également publié « Patrimoine annexé, les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800 » aux éditions de la Maison des sciences de l'homme en 2003. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration du moment 1815 en Europe en compagnie de Bénédicte Savoie, qui interrogera la question d'un universel européen. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.